Et tout de suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi ? Un roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire, tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue donc dans un nouveau numéro de Qui ou quoi sur Radio Dio, l'émission qui vous parle de livres donc sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne. Une émission ce soir tout entière tournée vers les livres pour enfants pour le coup. Pas du tout, c'est pas du tout une émission spéciale Noël pour vous aider à trouver des idées de cadeaux pour les différents enfants qui pourraient vous entourer. Juste, j'avais envie de parler de livres pour enfants et qu'on parle quand même pas beaucoup de livres pour enfants d'une manière générale. En plus, ça fait 4 ans que je l'annonce dans la première phrase de l'émission et j'ai dû en parler à peine 3 fois. Donc, cette année, je vais essayer d'être un peu plus sérieux, même si c'est pas gagné, mais bon, et d'en parler donc un petit peu plus régulièrement. Ce soir, je vous parle de livres pour enfants, plus très précisément de Midi Pile de Rebecca D'Outremer aux éditions Sarbacane et de Go Dog Go de P.D. Eastman aux éditions du Nouveau Pont. Alors, en fait, avant de commencer à parler des livres proprement dit, je voulais vous signaler que, en fait, parler de livres pour enfants dans une émission à 21h30 sur une radio associative comme Radio Dio, à part que ça va surtout me permettre de faire mon éditorialiste, c'est-à-dire de faire comme d'habitude, raconter un peu ma vie, donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, on est d'accord, et surtout il n'y a personne pour me contredire dans les studios. D'ailleurs, si j'y pense, s'il y a des candidats pour venir dans le studio avec moi, n'hésitez pas à contacter la radio qui fera suivre toute candidature. Bref, tout ça pour dire que parler de livres pour enfants dans une émission à 21h30, c'est pas super facile. En fait, parler de livres pour enfants, c'est même super dur. Livre jeunesse, c'est super dur d'en parler. Il y a bien une émission sur France Inter qui s'appelle « L'as-tu lu mon petit loup ?» le dimanche, qui est la seule fenêtre que je connaisse sur la littérature jeunesse sur un média de grande écoute. Ça dure 4 minutes, c'est d'ailleurs dire l'importance accordée à ce type de littérature, même si d'aucuns pourront dire que c'est mieux que rien. Bref, écoutez-le, vous verrez que c'est pas forcément évident de parler de littérature jeunesse. Pour le coup, en fait, dans cette émission, ce qu'ils font surtout, c'est raconter l'histoire, et puis ils intercalent entre des morceaux de l'histoire, des extraits du livre dont ils parlent. Je me suis toujours demandé si je trouvais ça pertinent, et j'avoue que j'ai toujours pas la réponse de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, mais je l'écoute, et qu'une chose est sûre, c'est que je peux pas leur jeter la pierre, parce que c'est vraiment dur de parler d'un livre jeunesse à la radio. Bon, ceci étant dit, donc j'ai fait ma pleureuse, j'ai bien balisé le chemin, comme quoi je trouvais que c'était pas évident, même si vous en fichez, et j'y vais quand même essayer de m'y coller, comme je fais un peu pour les autres livres, les autres semaines en fait. Je vais raconter un petit peu d'histoire, mais pas trop parce que j'aime pas qu'on me spoil, un petit peu de bio de l'auteur, mais pas trop parce que bon, c'est pas non plus super intéressant des fois. Et puis un soupçon de tentative d'analyse, et puis c'est tout. De toute façon, l'idée c'est surtout essayer de vous donner l'envie d'y jeter un œil et de le lire. Donc le premier livre dont je parle ce soir, ça s'appelle Midi Pile par Rebecca D'Outremer. Alors, ce livre, il va nous raconter l'histoire d'un rendez-vous qui a lieu, je vous le donne en mille, à midi pile, alors que le livre commence à 9h. Donc on va suivre un personnage, pas n'importe lequel, mais je vais revenir dessus un petit peu après. On va suivre un personnage et le livre va nous raconter tout ce qu'il va faire jusqu'à midi. Ses attentes, comment il occupe son temps, avec qui il a rendez-vous, où, pourquoi, etc. Je vais donc faire une rapide bio de l'auteur du livre, Rebecca D'Outremer. Alors, Rebecca D'Outremer, c'est une illustratrice, née au début des années 70, qui a fait des arts déco à Paris. Voilà, bon, c'est ce qui est écrit partout dans ses bios. Je ne sais pas si c'est important, je ne connais pas l'école, à part que bon, ça en jette un petit peu, mais après je ne connais pas du tout l'importance que ça peut avoir si quelqu'un me dit « j'ai fait les arts déco ». Et donc depuis 1971 où elle est née, bah elle a fait pas mal de livres, dont les illustrations sont d'ailleurs plutôt connues. On connaît ses dessins, mais on ne sait pas forcément que c'est elle. D'ailleurs, après l'exercice difficile de parler d'un livre jeunesse, un autre exercice que moi je trouve difficile, l'exercice de description d'un style de dessin sans trop utiliser de référence. Périlleux, mais bon, bah, je vais tenter pour Rebecca D'Outremer. Donc c'est un dessin assez doux, moi je dirais aérien. En fait, quand on le regarde, on respire énormément. Voilà. Les personnages, ils ont souvent des têtes rondes ou ovales, avec des nez assez prononcés, mais sans être complètement moche. Il n'y a pas vraiment de couleur criarde, et moi quand je pense à elle, je pense à du rouge, parce que un de ses livres les plus connus s'appelle Princesse, où elle avait dessiné des princesses avec des habits amples d'inspiration un peu asiatique, enfin moi c'est ce que ça m'inspire, et elles étaient avec des espèces de kimonos rouges, etc. Bon, si vous voyez à peu près de quoi je parle avec cette petite description, c'est vraiment que je suis trop fort, mais bon, j'arrête là. L'exercice de description du dessin, c'est vraiment trop dur. Ce livre dont je parle ce soir, La Midi Pile, qui est un de ses derniers, je crois qu'elle en a fait un autre depuis, ou peut-être il n'est pas encore sorti, enfin un de ses derniers, très récent. En fait, il s'inscrit dans la lignée de son livre précédent, qui s'appelait Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough. À l'opposé de ce qu'elle avait fait jusqu'à ce moment-là, en fait, avec ses Riches Heures, elle se réinventait. Bon, alors ça ne va pas vous parler, vu que si vous ne connaissez pas son œuvre d'avant. Mais en tout cas, donc, elle se réinventait et elle racontait l'histoire de la vie de Jacominus Gainsborough, avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses déceptions. Un destin finalement assez banal, même s'il traversait tout le siècle dernier. Et petite chose à noter, c'est que le fameux Jacominus Gainsborough, en fait, c'est un lapin avec un gilet en laine. Au moment où ce Jacominus est sorti, le livre avait été largement acclamé parce que justement, elle avait réussi à se réinventer. Donc tout le monde était très content. Mais en fait, comme il a été acclamé et qu'il a marché, et ben en fait elle a creusé le sillon, mais d'une manière toute particulière en éditant ce nouveau livre. Parce que ce Midi Pile en fait se situe dans la droite lignée du premier et il détaille un événement du livre précédent, mais dans une forme tout à fait différente. Autant Les Riches Heures étaient d'un format classique pour un album jeunesse, c'est-à-dire bon, pour le coup il était assez grand. Mais il était classique dans le sens où bah, c'était une illustration et puis du texte en vis-à-vis. Bon, des très beaux dessins de pleine page, comme sait le faire Rebecca D'Outremer. Mais alors là, on est dans un style tout à fait différent, au moins sur la forme. Parce que Midi Pile, je vais essayer de vous le décrire. En fait, là pour le coup, j'y arriverai un petit peu plus, je pense. Imaginez un livre format à l'italienne, c'est-à-dire en long, contrairement à d'autres livres qu'on n'a plus l'habitude, donc un format très long, assez long plutôt, très épais, vraiment au moins 200 pages, quoi. Et puis une couverture verte avec, découpée en creux au milieu, où on voit à travers un plastique transparent le titre « Midi Pile » écrit au milieu de rouages de montres. Et en fait, ben, une fois passé cette couverture, le titre et la promesse de ce qu'il va nous raconter, eh ben, l'histoire se déroule du point de vue du personnage principal. Et donc, pour vous décrire vraiment, imaginez qu'en fait, dans chaque page, vous avancez d'un pas avec lui. Pas comme s'il avait une caméra à la place des yeux, mais vous avancez d'un pas à côté de lui. De la maison de départ à l'arrivée au rendez-vous. Sauf qu'ici, chaque page est découpée. Mais découpée au laser, en fait. Imaginez une scène de théâtre dans un livre où ils ont découpé en creux, ils ont juste découpé le long des décors et que la partie principale, la partie centrale, eh ben, est vide. Et en fait, c'est exactement ça, ce livre, c'est une succession de pages découpées et qui nous donne en fait l'impression de tomber dedans. Une impression vertigineuse d'avancer dans le livre. À chaque page, en dessous de chaque scène de théâtre, moi c'est comme ça que ça me vient, mais il y a une phrase qui va nous raconter ce qui va se passer. Je suis sorti de la maison, j'ai découvert ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va découvrir le point de vue du personnage principal, les différents protagonistes de l'histoire, où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils ont rendez-vous, etc. Le tout avec un texte avec un style très doux, un peu typique des livres pour enfants, mais surtout poétique. En fait, ce livre, quand on l'a dans les mains, c'est un livre assez unique, parce que moi personnellement, j'en ai jamais vu des comme ça. Au pire, deux pages découpées, pourquoi pas, mais alors à ce point, j'en ai pas vu. En fait, mais bon, d'ailleurs, c'est un peu écrit, c'est écrit derrière, mais c'est un livre d'artiste presque, sauf que celui-là, il est imprimé à beaucoup d'exemplaires. Mais en tout cas, il est représentatif d'une chose qui est hyper impressionnante, c'est une créativité assez débordante. Et pour le coup, même si toutes les pages sont découpées, en fait, ça fait ressortir justement un truc assez fou, la subtilité du dessin, les détails et puis, entre guillemets, la joliesse, même si c'est pas très beau, la joliesse des scènes, en fait. Ce qui donne en fait une mise en scène hallucinante. Bon, alors bien sûr, quand on a un truc comme ça dans les mains, la deuxième chose qui nous vient, c'est de regarder la réalisation. Comment est-ce qu'ils ont fait ? En fait, c'est vrai qu'on se dit, mais wow, c'est assez fou. C'est une prouesse technique assez folle. On se demande comment ils ont fait. Donc, bon, j'ai regardé un peu sur Internet. A priori, ils ont fait ça au laser. Bon, ça m'en dit pas plus parce que j'imagine pas bien une imprimante qui découpe plein de livres, 200 pages, etc. Et puis, il y a quand même un autre truc, c'est qu'au final, quand on l'a dans les mains, on le lit, mais en fait, il est extrêmement fragile. Moi, je l'ai ouvert une fois et j'ai déjà abîmé au moins 3 pages. Mais bon, ça, c'est comme ça. Le texte, alors... Moi, je suis un petit peu passé à côté. C'est pas forcément les choses qui me touchent le plus dans un livre comme ça. Je suis pas forcément preneur de ce type de poésie du quotidien avec un espèce de poésie pour enfants, poésie jeunesse, mais en même temps pas que, etc. Bon, après, c'est tout à fait bien. En tout cas, moi, je suis passé à côté. Alors, franchement, j'ai dit que je parlais de livres pour enfants, mais au final, ce livre, je ne me vois absolument pas le lire à un enfant, ou alors je ne sais pas comment le lire pour un enfant. Il est tellement fragile, et puis il est tellement dense, enfin, c'est pas un livre... ça va être quand même des grands enfants, quoi. Et un adulte, pour le coup, il va apprécier l'objet, mais il ne va pas forcément être preneur d'un livre avec une illustration un petit peu typé jeunesse, et puis des lapins qui parlent, quoi, et qui ont rendez-vous. Alors, la question, c'est où mettre ce livre ? Mais en vrai, si on regarde, il n'y a pas d'âge pour apprécier un tel livre, parce que c'est le livre qu'on a envie de lire, qu'on a envie de regarder, qu'on a juste envie de partager, parce qu'au final, c'est vraiment un livre, comme ils disent dans La Tour Montparnasse Infernale, et de rien pour la référence qui tue, mais c'est vraiment un livre de toute beauté. I'm attraction. You've got the pulling power. Walk my little doggy, walk my little sex dwarf. We can make a scene, we'll be a team. Making the headline sounds like a dream. When we hit the floor, you just watch them move aside. We will take them for a ride of rides. They all love your miniature ways. You know what they say about small boys. C'était le groupe Soft Cell avec le morceau Sex Dwarf. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Alors autant c'était difficile de savoir à qui s'adressait vraiment le livre dont je viens de vous parler, Midi Pile, autant le second livre dont je vais vous parler, il s'adresse au premier abord clairement aux 5-6 ans. Sauf que personnellement, j'y ai vraiment trouvé mon compte. Donc cet autre livre pour enfants, peu connu en France mais plutôt beaucoup connu aux États-Unis, je vais dire le titre anglais, ça s'appelle Go Dog Go de P.D. Eastman aux éditions Le Nouveau Pont. C'est une petite curiosité en France dont je vais me faire un plaisir de vous parler maintenant. Alors, Go Dog Go, ça parle de quoi ? Bah, ça parle de pas grand-chose, en fait. Hein. C'est un album qui parle de chiens. J'en connais à qui ça peut plaire. Donc, c'est un album qui parle de chiens, qui met en scène des chiens, mais qui est surtout l'occasion d'apprendre des trucs à des enfants. Bon, alors, comme j'ai dit, hein, je raconte ma vie dans cette émission. Donc, la petite histoire perso, c'est que j'ai découvert ce livre, pas du tout en France, pas du tout suite à une brocante obscure ou je sais pas quoi. J'ai découvert ce livre suite à un voyage aux États-Unis. Et en fait, à force de le lire, c'est vrai qu'au premier abord, moi, je suis pas forcément tombé dedans. Mais en fait, ce livre est un petit bonheur de rythme, de dessin et d'humour à la fin qui me vaut d'avoir envie de vous en parler ce soir. Enfin bon, c'est une phrase un peu compliquée. Bon, enfin bon, vous avez compris, je vais vous en parler ce soir. Alors, P.D. Eastman, en fait, c'est Philip D. Eastman, c'est un illustrateur américain qui est né au début du siècle, qui est mort dans les années 80. Je vais essayer de le faire court parce que même si c'est intéressant, voilà, je ne suis pas là pour faire la biographie particulièrement pointue, de manière pointue. Alors il s'est retrouvé en fait à bosser pendant la guerre avec un certain Theodore Geisel, je pense que c'est comme ça que ça se dit, au service cinématographique du corps des transmissions de l'armée américaine, vraiment au milieu de la guerre, entre 42 et 43 je crois. Et ce Theodore Geisel, en fait, c'est le fameux Dr. Seuss. Le Dr. Seuss qui est le créateur du Lorax, que pareil, en France, on connaît pas très bien, mais qui est très connu aux États-Unis, qu'on connaît un petit peu mieux parce qu'il y a eu un film, parce que finalement le livre est arrivé en France, et puis il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le chat chapeauté. Et en fait, ce Theodore Geisel, c'est également le créateur, après la guerre, enfin plutôt vers les années 60, d'une série de livres qui a révolutionné en fait le livre pour enfants aux États-Unis, parce qu'ils se sont rendus compte que les livres étaient trop compliqués pour les enfants, les livres d'école étaient trop compliqués pour les enfants. Et en fait, il a eu la charge, enfin je sais pas si on lui a donné la charge ou s'il l'a fait tout seul, mais en tout cas, il a lancé des livres simplifiés pour apprendre. Et ce Theodore Geisel, en fait, qui avait travaillé avec P.D. Eastman, il l'a récupéré après ça, après que P.D. Eastman ait travaillé pendant un temps chez Walt Disney et Warner Bros. En faisant des dessins animés. Et puis, il a sorti ce fameux Go Dog Go, dont je parle ce soir, sous le label des livres faciles à lire du Dr. Seuss. Dans cette collection, il y a quelques livres qui sont restés fameux, et ce Go Dog Go en fait partie. Donc comme j'ai dit, hein, c'est inconnu en France, mais c'est presque un classique ultime aux États-Unis. D'ailleurs, il est même cité dans un épisode de South Park qui est, en fait, on est d'accord, la consécration ultime. Alors, pourquoi c'est aussi bien ce fameux Go Dog Go ? Bon, déjà, il y a le texte. Le texte, il est très simple, mais en même temps, pas bidon. Alors, allez savoir pourquoi. Donc, vraiment, quand je dis très simple, hein, c'est Big Dog avec un dessin d'un grand chien, et puis en face à face, Little Dog avec un dessin d'un petit chien. Et en fait, à lire ce Big Dog, Little Dog, White Dog, Yellow Dog, en fait, à lire ce livre à un enfant, en fait, il y a une espèce de musique qui s'en dégage, une musique toute bête, toute simple, basée sur vraiment les fondamentaux en fait d'une langue, de la langue anglaise. Et en fait, à le lire, il y a une espèce de musique qui s'installe. Il y a même une rythmique, tellement c'est bien fichu, en fait, entre la lecture, tourner les pages, les dessins, etc. Le dessin, justement. Bah, le dessin, alors, j'ai mis dans les notes de l'émission que c'est un dessin que je trouvais souple, c'est-à-dire pas vraiment d'angle droit, un truc qui coule de source. Et puis, pour le coup, il y a vraiment un... Autant il y a du rythme dans le texte, il y en a aussi dans le dessin. Les impressions de mouvement, ce que les chiens font, les positions des chiens, leurs attitudes, il y a du mouvement de partout, en fait. Et c'est vraiment, autant il y a dans le texte, dans la lecture et dans le dessin, ce fameux rythme. En fait, moi j'arrête pas de dire en fait ou pour le coup, hein, j'essaye d'en dire un sur deux, mais bon. Pour décrire, je dirais que le dessin, il est d'une simplicité classieuse. Voilà. En fait, il s'inscrit dans la lignée d'illustrateurs classiques. Pour le dire, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le comparer à ça, mais ça m'inspire un peu ce truc des dessins dans les papillotes. Alors, ça ne donne pas forcément envie, mais imaginez plutôt ce genre de dessin fait dans les années 60, avec tout ce que ça peut avoir de kitsch mais classique en même temps, et rigolo, en fait. Donc ce dessin, il est moderne, il y a une modernité qui transpire du truc, quoi. Alors qu'il est globalement classique, quoi. Les couleurs sont simples, un peu trop, et bon, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais y trouver, quoi. Pour finir, en plus de tout ça, donc c'est du dessin, du texte, et ben il y a un peu d'humour. Et puis un humour fin, c'est pas de la blague à rambarde, c'est de l'humour pour enfants, c'est sûr, mais en fait c'est de l'humour qui fonctionne à tous les âges. On va dire qu'entre la première et la dernière page, malgré le fait que ce soit un livre pour apprendre, et ben en fait il y a une histoire qui se déroule, on retrouve les chiens, on peut voir par où ils sont passés et on a appris des trucs. Bon, alors ce livre, donc, qui était introuvable, en fait, il est sorti il n'y a pas longtemps en France, aux éditions du Nouveau Pont. Alors, c'est une édition bilingue, c'est-à-dire que Big Dog, Little Dog, ils ont traduit en dessous, quoi. Ils ont gardé Big Dog, et puis ils ont écrit en dessous Grand Chien. Little Dog, Petit Chien. Bon, c'est pas forcément important, mais en même temps, voilà, ce qui est surtout important pour moi, c'est que comme il est édité en France, eh ben, ça permet de faire connaître ce livre qui, vraiment, pour moi, est tout simplement parfait. By the Christians it is written that in the black Merovingian age there existed an addiction to blood. Drink it up. 50 years about enough. Time to come back. They wanna call the bluff. Okay then, time to come back. What up? Hail King Huey, do it for fluid. You knew it was moving forever. Loop it, the truth is the movement was really too clever. Who is the newest to do it? Pursuing a useless, polluted agenda. Too long to get they bullshit together. 50 years bad enough. Patient, gave him a 2-year grace. 6-6 came, then they saw the true face. Black on black on black, irate. Had them all running scared straight out the gate. Skin dude, show you who kin, that's it though. What's inside, never been too simple. Syrup, he sipped cause he can't taste his own. Drink it up, you belong in every milliliter of. They tried to take out every military leader, but you was born to be a martyr and that doesn't mean a thing because that body really me. Fill it up, your history is one you might consider killing for. This ain't the shit they taught you when you went to kindergarten. What you need to know is in the Queen Angela done told y'all. Grasp at the root. So what y'all talking about? Hands up, don't shoot. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up. Drink it up, drink it up. fist in the sky if you ready. Dice are over like confetti. They thought you was playing. No, really, the game was more training. They're finna be. And much of it blues. Time to fly, cause you know time fickle. So cold, finna snow, swing an icicle. Taking out a police or a politician issuing a statement saying turning out a dime against a nickel. And it ain't just money. B, this ain't honey sweet, but it's funny to think of them wanting to speak when this pain is deep and ingrained in. Drink it up, dress it down. Queen shit, wear the crown. King shit, wear the wounds. New blood in the wombs. Loose, loose, split the tombs. Bubble goose, suede shoes. Looking like a who's who with a dead. Come back, bust ahead. Run track to the red. Black suit, black hair, black wings, black stare. Black over the button up, bruh. Acting a fool when just acting. You knew about adapting since dudes started tapping. And in the dark, flapping the full moon. Asking if you knew the passion that grew on a mask. Because they were never seeing the basics. Geronimo, Erica, Gregory with their faces. And every book record, a CD, even made the MP3s laced with. Brother Malcolm done told y'all. By any means. So what y'all talking about? All on the same team. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You gotta drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Everybody wanna kill a movement for the moment, but they cannot kill what cannot die. There wasn't ever really an opponent for what they figured was only 3/5 human, and they thought they couldn't slay by disconnecting from the truth. But look, your brother George is back again and never did look fine. I said it's time to gather up another meeting of the Inus. Said they quit and could have killed him in America. Can't either and even sleeping since 71. Ain't it time to feed him? Really sip a little sum. He up in a Cadillac with little Bobby Hutton. Ryan shoddy with a shoddy swooping up the cousins. They swooping for your blood. Bobby Steele is at the door when they regroup him at the club. And brother Eldridge just keeping souls on ice till the time was just right. Now suffices. Emery got the scene drawn up nice and a fiend here with pocket. Thug life. Kathleen black and beautiful as a model was out of up in here sipping the bloody catacomb. With Hillard on the seat next to a baby sitting the rattle waiting for him right to say something climbing that mother following to the night let it swallow eyes on the sparrow tomorrow you know the marrow is hollow when night is air and the collars after the rest of the model of effervescence when all of it manifested they never bothered to question while calling for the arrest of murder guess they never knew it was a test to best assess the way to move in and digest the flesh of every wicked human to the best and blackest blood is back to ruling Prince Stokely done told y'all have no fear so how come every time to be like yeah yeah yeah y'all look scared look back blood on the ground look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. Drink it up, drink it up. There exists an addiction. Drink it up, drink it up. C'était le groupe Clipping avec le morceau Blood of the Fang. On est de retour sur Radio Duo dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins. Alors, en général, ça fait un petit moment maintenant que la troisième partie de l'émission, je l'utilise pour faire un peu des recommandations en lien avec un petit peu les livres dont j'ai parlé avant. Une fois de plus, je me rends compte, normalement c'est une demi-heure l'émission, j'ai dépassé de fou. Enfin, je suis en train de dépasser de fou. Alors, je vais vous en parler rapidement. Je vais vous évoquer les quelques recommandations que j'avais en lien avec le premier livre, Midi Pile, et ce personnage qui avance dans ses décors de théâtre découpés. Il y avait la BD de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelle 3 secondes, qui est en fait un zoom géant du début jusqu'à la fin, dans le reflet d'un œil, etc., comme dans Hitchcock, etc., etc. Très intéressant. Toujours pareil, en lien avec Midi Pile de Rebecca d'Outremer, il y avait les livres de Clémentine Sourdet, Le petit chaperon rouge qu'elle a fait en découpé comme ça, en petit théâtre découpé. Il y a l'épisode South Park dans lequel il parle de Go Dog Go, qui est l'épisode 3 de la saison 2, pour ceux que ça intéresse. C'est un épisode avec un violeur de poules où en fait les enfants ils aiment pas lire donc ils lisent pas, mais il y a une affaire scandaleuse d'un homme qui viole des poules et le policier de la ville qui s'appelle l'officier Barbrady il doit enquêter, mais en fait il se trouve qu'il ne sait pas lire et donc on lui donne à lire des livres et en particulier on lui donne ce fameux livre Go Dog Go. Après, ben, je voulais parler de plein de livres, ben, comme le livre est découpé, qu'il est un peu spécial, c'est un peu un livre d'artiste, ben, je voulais parler de livres pop-up, parce que moi j'aime beaucoup les pop-up. Après, ben, peut-être que ce sera l'occasion de faire une émission spéciale pop-up, d'autant que notre librairie, enfin une de nos librairies préférées de la ville, à l'une et l'autre, ils ont un rayon pop-up qui est bien fourni et qui fait bien plaisir. Bon. Je vais m'arrêter là-dessus et je vais lancer le générique de fin. C'était donc Qui ou Quoi, donc un Qui ou Quoi qui vous a parlé de livres pour enfants, un qui est un livre pour enfants mais pas que, qui s'appelle Midi Pile de Rebecca d'Outremer aux éditions Autrement, qui est un petit peu cher mais qui fait quand même bien plaisir et qu'il faut au moins avoir vu une fois, ne serait-ce que pour l'objet, quoi, comme un livre d'artiste, comme j'ai dit. Il y a le livre Go Dog Go qui est de P.D. Eastman aux éditions du Nouveau Pont, un peu plus compliqué à trouver à mon avis, mais qui vaut vraiment le coup si vous avez envie de vous plonger dans ce type de bouquin. Enfin, au moins, faut l'avoir lu une fois, ou tout seul, ou avec un enfant, en tout cas. Et puis en anglais. Enfin, moi, je trouve qu'en anglais, même si l'édition bilingue, c'est intéressant, je trouve qu'en anglais, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc voilà, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une émission... une émission sur Radio Dio, je ne sais pas encore de quoi on va parler. La semaine prochaine, ben, peut-être qu'avec le confinement qui s'allège, peut-être que nos collègues de Radio Gaga vont pouvoir faire une émission, toujours après Ghetto Vibes, voilà. Donc nous on se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, ben, bonne soirée en fait.